Du Tillet amena le héros du dîner, le Brésilien. Le duc d'Hérouville les suivait avec Josepha. La cantatrice avait mis une simple robe de velours. Mais autour de son cou brillait un collier de 120 000 francs, des perles à peine distinctibles sur sa peau de camélia blanc. Elle s'était fourré dans ses nattes noires un seul camélia rouge, une mouche, d'un effet étourdissant, et elle s'était amusée à étager 11 bracelets de perles sur chacun de ses bras. Elle vint serrer les bras de Jenny Cadine, qui lui dit « Prête-moi donc tes mitaines !» Josepha détacha ses bracelets et les offrit, sur une assiette, à son ami. « Quel genre ! » dit Carabine. « Faut être duchesse ! Plus que cela de perles, vous avez dévalisé la mère pour orner la fille, monsieur le duc » ajouta-t-elle en se tournant vers le petit duc d'Hérouville. L'actrice prit un seul bracelet, rattacha les 20 autres aux beaux bras de la cantatrice et y mit un baiser. Lousteau, le pique-assiette littéraire, la Palférine et Malaga, Massol et Vauvinet, Théodore Gaillard, l'un des propriétaires d'un des plus importants journaux politiques, complétaient les invités. Le duc d'Hérouville, poli comme un grand seigneur avec tout le monde, eut pour le compte de la Palférine ce salut particulier qui, sans accuser l'estime ou l'intimité, dit à tout le monde « Nous sommes de la même famille, de la même race, nous nous valons ». Ce salut, le cibolette de l'aristocratie, a été créé pour le désespoir des gens d'esprit de la haute bourgeoisie. Carabine prit Combabus à sa gauche et le duc d'Hérouville à sa droite. Cydalise flanqua le Brésilien et Bixiou fut mis à côté de la Normande. Malaga prit place à côté du duc.